Moi c'est le qui éclairé, non qu'on aime pas égaré, non qu'on aime ce qu'a posé, autant de son ma café, dernier créole m'a chanté, c'est bagaille moins composé. Non même d'autres chants espagnol, de temps en temps nous font créole. Non même d'autres chants espagnol, de temps en temps nous font créole. Jete sa ki pou nou, ap ramase sa kwa pou nou. Yo fe yo voye ba nou, an nou fe voye ba yo tou. Fok nou chaje fe ilan, avan nou fe kan chanbe lan. Lang nou pa lang espanyol, fok nou kapap chante kriol. Lang nou pa lang espanyol, fok nou kapap chante kriol. Yo fe yo fe ya foye bano, anou fe voye pa yo yo fe yo fe ya foye bano, anou fe voye pa yo yo fe, anou fe voye pa yo yo fe yo fe ya foye bano, anou fe voye pa yo yo fe yo fe ya foye bano, anou fe voye pa yo yo fe yo fe ya foye bano, anou fe voye pa yo. N'ap jete sa ki pou nou, n'ap ramase sa pa pou nou. N'ap jete sa ki pou nou, n'ap ramase sa pa pou nou. Rekone bien nou sa Haïtien, men nou pa Cuba ni Dominique. Men yo fe yo voye ba nou, anou fe voye ba yo. Yo fe yo fe ya voye ba nou, anou fe voye ba yo. Yo fe yo fe ya voye ba nou, anou fe voye ba yo. Jete sa ki pou nou, n'ap ramase sa kwa pou nou. N'ap jete sa ki pou nou, n'ap ramase sa kwa pou nou. Rekone bien nou sa Haïtien, men nou pa Cuba ni Dominique.